Ça, c'est mon secret. Tcha tcha tcha, Paulette. Elle est partie en vacances. Tcha tcha tcha, Brigitte. Maintenant, elle est mariée. Tcha tcha tcha, Alphonse. Il est vraiment nerveux. Tcha tcha tcha, Armand. Ce qu'il est comique. Tcha tcha tcha, Henri. Quel dragueur. Tcha tcha tcha, Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre, alors lui. Tcha tcha tcha, Edouard. Ah, Edouard, c'est autre chose. Tcha tcha tcha, Mustapha, Bobaza. Thank you.